إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On est arrivé au chapitre 4. Oui, ceci c'est d'ailleurs le cours numéro 4 sur le livre de Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala concernant l'innovation, sa définition, ses catégories, son jugement. Et nous sommes arrivés au chapitre 4 dans lequel le Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah va donner des exemples d'innovation contemporaine. On va essayer inchallah de terminer aujourd'hui ce cours, cette série de cours sur les innovations. Alors, on continue inchallah, barakallahu fikum. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الفصل الرابع نماذج من البدع المعاصرة. Le chapitre 4 des exemples d'innovation contemporaine. البدع المعاصرة البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمان وقلة العلم وكثرة الدعاء إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وتقوسهم مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. Les innovations contemporaines sont nombreuses, ceci étant dû à l'éloignement du temps et la diminution de la science يعني légiférée et le surnombre de prédicateurs aux innovations et aux oppositions à la méthodologie prophétique يعني et l'imitation effrénée des mécréants dans leur tradition et rituel en conformité avec sa parole sallallahu alayhi wa sallam, vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédé. فمن هذه البدع الاحتفال بالمولد النبوي التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. Parmi ces innovations, il y a la célébration de la naissance prophétique, le maulid, la recherche de la bénédiction dans les endroits, les monuments, les morts et ce qui va dans ce sens, et les innovations dans ce cadre, dans le cadre des adorations et le rapprochement d'Allah. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيع الأول. Le premier point là, de ces exemples-là, premier exemple, la célébration de l'occasion de la naissance prophétique lors du mois de ربيع الأول. ومن هذا التشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي يحتفل جهالة المسلمين أو العلماء المضلون في ربيع الأول من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Dans cela, il y a l'imitation aux chrétiens dans une des œuvres dénommée la célébration de la naissance prophétique. Les ignorants parmi les musulmans ou les savants égareurs célèbrent durant ce mois-là de Rabi al-Awwal de chaque année l'occasion de la naissance, l'événement de la naissance de l'envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمْ هَذَا الْإِحْتِفَالْ فِي الْمَسَاجِدْ. Parmi eux, il en est qui établissent cette célébration dans les mosquées. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقِيمُهُ فِي الْبُيُوتِ أَوْ الْأَمْكِنَا المعدل لذلك. Parmi eux, il en est qui l'établissent dans les demeures, donc qui le célèbrent dans les demeures ou les endroits préparés pour cela. ويحضره جموع كثيرة من دهمات الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في إبداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. Et parmi eux, donc on a vu qu'ils l'établissent soit dans cette célébration-là, soit dans les mosquées, soit dans les demeures ou les endroits préparés pour cela, et énormément d'individus parmi les gens de la masse y assistent, agissant ainsi par imitation aux chrétiens dans leurs innovations de la célébration de la naissance du Messie, alayhi salam. Et en majorité, cette célébration est un surplus, étant une innovation et une imitation aux chrétiens. C'est ce qu'écrit le Cheikh en disant يعملون ذلك تشبها بالنصارى في إبداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام، والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى فإنه لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات، كإنشاء القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال: لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. روى الشيخان. Donc cette célébration de la naissance du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est, comme dit le Cheikh Salah Fawzan, comme l'a écrit, cette célébration est un surplus, étant une innovation et une imitation aux chrétiens qui n'est pas dénuée de la présence d'associationnisme. On y trouve de l'associationnisme et des choses détestables, telles que la mise en place de poèmes dans lesquels il y a de l'exagération vis-à-vis du droit de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, jusqu'à en arriver à l'invoquer en dehors d'Allah. Ils écrivent des poèmes dans lesquels ils exagèrent concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ils en arrivent à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, ainsi que demander son secours, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'exagérer dans les éloges qui lui sont faites, disant: n'exagérez pas dans mon éloge tel que les chrétiens l'ont fait avec le fils de Maryam, mais je ne suis qu'un serviteur, alors dites le serviteur d'Allah et son envoyé. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim dans le Sahih. Et dans ce hadith là il dit le Cheikh: wal-itra ma'anahu al-ghulu fil-madh. Al-itra, lorsqu'il dit la tatrouni, al-itra signifie l'exagération dans les éloges. وَرُبَّمَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَحْضَرِ احْتِفَالَتُهُمْ. Et certains, il se peut qu'ils croient que l'envoyé صلى الله عليه وسلم est présent durant leur célébration. وَمِنَ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي تُصَاحِبْ هَذِهِ الْاحْتِفَالَاتِ الْأَنَاشِيدِ الْجَمَاعِيَّةِ. Et parmi les choses détestables accompagnant ces célébrations, ce sont les anachides en groupe sous la forme de chants. وضرب التبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة. Et il y a aussi, donc il y a ces anachides en groupe sous la forme de chants, les frappes sur les tambourins, et il se peut qu'il y ait la mixité entre les hommes et les femmes, ce qui cause les troubles et pousse à tomber dans les péchés, comme l'a écrit le Cheikh, wa ghayr dhalika min 'amal al-afkar as-sufiyya al-mubtadi'a. Alors, wa ghayr dhalika, il dit le Cheikh, wa ghayr dhalika min 'amal al-afkar as-sufiyya al-mubtadi'a. Donc il y a également parmi cela, il y a également dans cela donc les afkar, les rappels soufis innovés dans lesquels ils font cela. وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة. Et il se peut qu'il y ait la mixité entre les hommes et les femmes, ce qui cause les troubles et pousse à tomber dans les péchés. ويجر إلى الوقوع في الفواحش وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون فإنه بدعة محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc il dit le Cheikh, il écrit le Cheikh, et même si cette célébration était exempte de toutes ces mises en garde, de toutes ces choses détestables qu'il y a, ce qu'ils font dans leurs poèmes exagérant le droit vis-à-vis du prophète sallam, les actes d'associationnisme qu'ils font en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant son secours, en chantonnant ses anachides en groupe, les frappes sur les tambourins, les afkar, les soufis innovés, la mixité, etc. qu'ils ont. Même si cette célébration-là était exempte de toutes ces mises en garde, de toutes ces choses détestables qui s'y déroulent, et qu'elle se restreignait au regroupement et à servir le repas et montrer la joie telle qu'ils disent, il n'en reste pas moins que c'est une innovation inventée. Et toute innovation, et toute invention est une innovation, et toute innovation est un égarement. وأيضاً هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. Et c'est également un moyen pour que cette célébration-là évolue et qu'il s'y déroule ce qui s'y déroule dans les autres célébrations en termes de choses détestables. وقلنا إنه بدعة. Et nous avons dit que c'est une innovation. لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة. Et nous avons dit que c'est une innovation car elle n'a aucun fondement, aucune origine dans le livre et la sunna et les œuvres des salaf salih, des pieux prédécesseurs et des meilleurs siècles. وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري أحدثه الفاطميون الشيعة. Mais cela a été inventé bien après le 4e siècle hijri, yani du calendrier hijri, par les Fatimides chiites qui l'ont inventé. Par les Fatimides chiites qui l'ont inventé. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفكهاني رحمه الله أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الدين؟ Donc l'imam Abu Hafs Taj al-Din al-Fakahani, qu'Allah ait miséricorde sur lui, a dit: après cela, une question redondante de la part d'un groupe de gens bénis concernant le regroupement que certains gens font durant le mois de Rabi al-Awwal, le désignant comme le Mawlid, la naissance. A-t-il une origine dans la religion? Ça, c'est la question qui a été posée au Cheikh. Et donc, il a dit cette question-là, il va y répondre. وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا. Et il demande en fait, les gens qui lui ont posé cette question-là, il dit, et il souhaiterait que la réponse vis-à-vis de cela soit clarifiée et bien précise. فقلت وبالله التوفيق. Je dis alors, et c'est d'Allah que provient la réussite. لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. Donc il répond en disant, je dis, et c'est d'Allah que provient la réussite, je ne connais aucune origine de ce mawlid, ni dans le livre, ni dans la sunna. Et cet acte n'a été rapporté par aucun parmi les savants de la communauté qui sont les guides de la religion, ceux qui se cramponnent aux athar de ceux qui les ont précédés. Mais c'est une innovation inventée par les gens du faux, et une envie de l'âme dont s'est emparé ceux qui ne désirent que manger. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرس، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah ait miséricorde sur lui, a dit, et c'est également le cas pour ce que certaines personnes inventent, soit pour vouloir égaler les chrétiens dans la naissance, yani les imiter dans la naissance de Isa alayhi salam, soit par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et anoblissement par la prise de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme fête, tout en sachant que les gens divergent quant au jour de sa naissance. Cependant, les salafs, les prédécesseurs, ne l'ont pas fait. Et si cela avait été un bien pur ou probable, les salafs, qu'Allah soit satisfait d'eux, sont plus méritants que nous à appliquer cela, étant donné qu'ils aimaient et anoblissaient beaucoup plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous, et ils étaient beaucoup plus attentionnés à faire le bien que nous. Mais malgré cela, ils ne l'ont pas fait. Hein. Mais l'amour et l'anoblissement qu'ils lui vouaient étaient dans son suivi, et son obéissance et le suivi de son ordre et la revivification de sa sunna intérieurement et extérieurement, la propagation de ce avec quoi il a été envoyé et le jihad pour cela avec le cœur, la main et la langue, car ceci est la voie des premiers prédécesseurs parmi les muhajirines et les ansar et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. D'accord ? Donc malgré que les pieux prédécesseurs, qui eux aimaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous, qui recherchaient plus à faire le bien que nous, donc s'il y avait eu un bien dans cela, pourquoi l'auraient-ils délaissé étant donné que eux-mêmes cherchent à faire le plus de bien possible ? Mais eux, ils suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui obéissaient et s'écartaient de tout ce qu'il a mis en garde contre, et croyaient en tout ce qu'il a informé. Donc, il dit ensuite le Cheikh, Hafidhahullah, donc cette parole-là de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, on la trouve dans, dans son livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc, comment se mettre donc sur la voie droite, la voie de la rectitude. وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها فإنه يجر إلى إقامة مواليد أخرى كمواليد الأولياء والمشايخ والزعماء فيفتح أبواب شر كثيرة. Ensuite, le Cheikh Hafidhahullah mentionne « Et des livres et livrets anciens et récents ont été publiés dans le reniement de cette innovation et c'est un surplus qui en lui-même est une innovation et une imitation qui mène à la mise en place d'autres anniversaires tels que les anniversaires des Awliya, les rapprochés d'Allah, des Mashayikh et des dirigeants qui ouvrent donc des portes à d'autres maux. » Le deuxième point ici, parmi les exemples, deuxième exemple que donne le Cheikh Salah al-Fawzan, il mentionne « At-tabarruk bil-amakin wal-athar wal-ashkhas ahya'an wa amwata » Donc le Cheikh ici mentionne comme deuxième exemple la recherche de la bénédiction, at-tabarruk des lieux, donc la recherche de bénédiction des lieux, des monuments et des personnes vivantes et mortes. At-tabarruk طلب البركة. التبرك c'est quoi? C'est la recherche de la bénédiction. C'est la recherche de bénédiction. وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته. Donc la bénédiction c'est quoi? Ça consiste à maintenir un bien dans une chose ou son augmentation en bien. D'accord? Pour ça, lorsqu'on dit Barakallahu fik, ça veut dire on invoque Allah Azza wa Jal qui place le bien sur toi et qui le maintient ou qui l'augmente. D'accord? إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. Donc cette recherche de bénédiction qui consiste à maintenir un bien dans une chose ou son augmentation en bien, eh bien ce qu'il faut savoir c'est que cette demande de bien et son augmentation ne se demande qu'à celui qui détient cela, et qui peut la donner. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, glorifié soit-il, qui peut faire ça, car c'est lui qui fait descendre la baraka, la bénédiction, et la maintient. D'accord ? أما المخلوقون فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها وعلى إبقائها وتثبيتها فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. Donc il dit, tandis que la créature, donc qui c'est qui peut donner la baraka? C'est Allah. Qui c'est qui peut la maintenir? C'est Allah qui la donne et qui la maintient ou qui augmente en bien. Il n'y a que Allah qui peut faire cela. D'accord? Tandis que la créature ne peut en rien octroyer la bénédiction, ni la détenir, ni ne peut la garder, ni la maintenir. Donc rechercher la bénédiction dans les lieux, les monuments et les personnes n'est pas permis, car c'est soit du shirk, de l'associationnisme, dans le cas d'une croyance que ces choses-là octroient la bénédiction, yani de par elles-mêmes, soit c'est un moyen d'aboutir à l'associationnisme si la croyance que la visite ou le toucher, ou le fait de s'essuyer à ces choses-là, sont une cause d'obtenir cette bénédiction d'Allah. D'accord ? Donc, soit c'est de l'associationnisme, dans le cas que l'individu a la croyance que c'est cette chose-là, ce lieu, ou ce monument, ou cette personne vivante ou morte, qui peut donner la baraka. S'il croit cela, a'oudou billah, il tombe dans l'associationnisme, non du shirk. Soit c'est un moyen à mener à l'associationnisme, d'aboutir à l'associationnisme, dans le cas où l'individu croit que le fait de visiter cette chose-là, ou la toucher, ou le fait de s'essuyer sur ces choses-là, sont une cause d'obtenir la bénédiction d'Allah. D'accord ? وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وانفصال من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم في حال حياته بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في لا في الحياة لا بعد الموت ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا ولم يكونوا يذهبون إلى التور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم ولا إلى مشهد مبني على أثر النبي من الأنبياء وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستسلمه ولا يقبله ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها فإذا كان الموضع الذي كان يتوه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه فتقبل شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم. Et il mentionne ici un point sur le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidhahullah, concernant les Sahaba, ce qu'ils faisaient en recherchant la bénédiction avec les cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa salive et tout ce qui s'est détaché de son corps, sallallahu alayhi wa sallam, et bien ceci est spécifique à lui, est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, par preuve que les Sahaba ne recherchaient pas la bénédiction dans sa demeure et sa tombe après sa mort. Il ne prenait pas délibérément les lieux où il priait, où s'était assis, afin d'y rechercher la bénédiction par cela. Et c'est ainsi pour les endroits des Aouliyas, des rapprochés d'Allah, en premier lieu. Il ne recherchait pas la bénédiction par les personnes vertueuses telles que Abu Bakr et Omar et autres en dehors d'eux, parmi les meilleurs des Sahaba, ni durant la vie, ni après la mort. Et il ne se rendait pas à Ghar Hira, afin d'y prier ou d'invoquer, ni ne se rendait autour où Allah a parlé à Moussa, alayhi salam, afin d'y prier et d'invoquer, ou autre en dehors de ces endroits parmi les montagnes, pour lesquels il est dit que s'y trouvent les endroits des prophètes ou autres en dehors d'eux. Ni dans un endroit qui est bâti sur un monument d'un prophète, parmi les prophètes, mais également l'endroit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toujours à Médine. Eh bien, aucun des salafs ne s'y résignait, ni ne l'embrassait, ni l'endroit dans lequel il priait à la Mecque ou autre. Étant donné que l'endroit dans lequel ses honorables pieds ont marché et qu'il y pria n'ont pas été légiférés à sa communauté de s'y essuyer avec ou de les embrasser, alors qu'en est-il de ce qui est dit qu'autre que lui a prié dans tel endroit ou a dormi à tel endroit hein? Donc embrasser quelque chose de cela et s'essuyer avec cela, les savants ont enseigné afin de préserver la religion de l'islam que cela ne faisait pas partie de sa législation, de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième exemple que donne le Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah. Al-bid'a fi majal al-ibadat wa al-taqarrub ila Allah. Les innovations dans le cadre des adorations et fait de rechercher en celle-ci le rapprochement d'Allah. البدعة التي حدثت في مجال العبادات في هذا الزمن كثيرة. Les innovations qui ont été inventées dans le cadre des actes d'adoration dans ce temps sont nombreuses. لأن الأصل في العبادات التوقيف. Ça c'est la règle qu'on se doit constamment. Ça c'est la règle que l'on se doit constamment de mémoriser. Cette règle-là doit être mémorisée. Pour ne pas tomber dans les choubouettes des innovateurs et des égarés qui n'ont rien étudié du tout et qui donnent des règles de leur tête. La règle, l'origine dans les actes d'adoration, la base c'est quoi dans les actes d'adoration? C'est qu'ils sont restreints. Rien ne peut être légiféré excepté s'il y a une preuve. Et tout ce qui ne peut être prouvé par une preuve, alors c'est une innovation. de par sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque fait une innovation, quiconque fait une œuvre ne provenant pas de notre commandement se verra rejeté. Quiconque fait une œuvre ne provenant pas de notre commandement se verra rejeté. D'accord ? On comprend très bien cette règle-là. Donc, quelqu'un veut faire une œuvre, mais qui ne provient pas de l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne provient ni des recommandations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna, quiconque fait une œuvre ne provenant pas de notre commandement se verra rejeté. On comprend bien cette règle-là. La base dans les actes d'adoration sont qu'ils sont restreints. D'accord ? Donc on ne fait une chose que si on a une preuve. D'accord ? C'est ce qu'a écrit le shir. Il dit لأن الأصل في العبادة التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا. Et parmi les actes d'adoration qui sont de nos jours accomplis et ne reposant sur aucune preuve sont très nombreux. Parmi ceux-ci, ces actes d'adoration, parmi ceux-ci, el jahr bin niyya lis-salat. Bien yaqul nawitu an nusalli lillahi kadha wa kadha wa hadha bid'a li'annahu laysa min sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa li'anna Allah ta'ala yaqul قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Parmi ces actes d'adoration qui ne reposent sur aucune preuve, qui sont faits de nos jours notamment, c'est faire l'intention à voix haute pour la prière en disant j'ai l'intention de prier pour Allah ceci et cela. Par exemple, il va dire j'ai l'intention de prier le dhuhr. Ou d'autres qui vont dire « J'ai l'intention de prier le Asr, etc. » Parmi les innovations contemporaines, il y a donc ce que certains font. Des personnes qui viennent « Nawit salat al-Asr » ou « Salat al-Dhuhr » Il dit à voix haute « J'ai l'intention de prier pour Allah ceci et cela » ou « J'ai l'intention de prier la Salat du Dhuhr ou du Asr » D'accord ? Il dit le shir, eh bien ceci c'est une innovation car cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et car Allah le Très-Haut a dit, à la traduction du sens, dit est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah est omniscient. Dans Surat Al-Hujurat, dans la traduction du sens du verset 16. Et c'est la reine du Isha d'ailleurs. Maintenant, donc, est-ce que j'aurai le temps ? Allahu A'lam, je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc, on va s'arrêter là parce qu'il faut que j'y aille, Inch'Allah. Et puis, on va terminer demain, Inch'Allah. Je vais reprendre ce point-là sur les différents types d'innovations que le Cheikh mentionne, qui sont faites de nos jours, parce qu'il mentionne différents exemples dans cela, très bénéfiques à savoir, notamment. Et on terminera donc cette série de cours, Inch'Allah, demain, bi'idhnillah, car il faut que j'aille à la salette du Isha, Inch'Allah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك